Turbo Rangers en avant. Vous faites rire et chanter, y'a rien de mieux pour s'amuser. Turbo Rangers en avant. Venez dans le manège enchanté. Tournicotis, tournicotons, s'exclame le brave Zébulon. Pour que nos enfants gardent l'espoir. Tournicotis, tournicotons, s'exclame le brave Zébulon. Voici venir le temps des combats glorieux. C'est un manège enchanté. Pour la liberté, défenseur de l'humanité. Tombe la neige, brille le soleil d'été. Contre le mal, vous triompherez. Quels que soient les dangers, n'oubliez pas. Mais vraiment, ce n'est pas du luxe, lui répond le gentil Pollux. Gardez au fond du cœur dans vos combats. Ah pardon, ce n'est pas ma faute, lui répond la jolie Margot. Turbo Rangers en avant. Vous faites rire et chanter, y'a rien de mieux pour s'amuser. Turbo Rangers en avant. Venez dans le manège enchanté. Tournicotis, tournicotons, s'exclame le brave Zébulon. Pour que nos enfants gardent l'espoir. Tournicotis, tournicotons, s'exclame le brave Zébulon. Voici venir le temps des combats glorieux. C'est un manège enchanté. Pour la liberté, défenseur de l'humanité. Turbo Rangers en avant. Venez dans le manège enchanté.